بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا درسنا 52 في المورد العدد الزلال للشيخ العلامة الشيخ النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سيف خيرون الله عز وجل ندخل 52 كور دو لو ليفر ديال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى، كي لا سورس ديليسيوز دو لا كريتيك دو سيغتان فوا و دو سيغتان كرويونس. اي نو سوم او 13 شابيتر، ونحن في الفصل في الباب 13، وعقد فيه حفظه الله تعالى فصلا وقال فصل: وقد تبين من هذه النصوص فضيلة المتمسك بالسنة الذي قال ربي الله ثم استقام، أي وقف وثبت، ولكن من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. Il dit, حفظه الله تعالى, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le Firdaus al-A'la. Il dit, dans ce 13e chapitre, il a ouvert un paragraphe. Il a dit paragraphe, et il nous apparaît clairement de ces textes, c'est-à-dire les textes qu'il nous a cités auparavant dans le début du 13e paragraphe. Il nous apparaît clairement de ces textes la noblesse et de celui, et les vertus de celui qui se cramponne à la sunna, et la noblesse de celui qui a dit « Mon souverain, c'est Allah » et après il a pris le chemin droit et il est resté constant sur la voie et sur la droiture. Et il dit « Mais qui sont ces étrangers qui font bien contre les autres ils font mal ?» قول ولكن من ها من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس فاستحقوا هذا التناء العطر من نبي الهدى الذي جاء يتخطى الزمن فرفعهم فوق هامة الثرايا، وإن كانوا أصحاب فقر وعوز وحاجة وضعف. ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وما هو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم؟ ما هو نوع هذه الغلبة وهذا الظهور؟ وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Il dit, رحمه الله تعالى, mais qui sont ces étrangers qui font bien contre les autres font mal, et ils ont mérité ces éloges et ces belles éloges du prophète de la guidée, hein? Et qui les élève, hein, en hauteur, même s'ils sont pauvres, même s'ils sont dans le besoin. Et il dit qu'ici ce groupe sauvé et ce groupe victorieux, et comment ils sont apparents et comment ils ont la suprématie sur les autres. Et c'est quoi cette suprématie et cette apparence? Et qu'est-ce que ça veut dire que ne leur fait pas de mal ceux qui veulent, qui prétendent être parmi eux, qui veulent les détourner de la vérité, et ceux qui sont, et que le mal ne leur fera pas du mal ceux qui sont en divergence avec eux. يقول رحمه الله إن أصحاب هذه البشارات هم والمعنيين بها هم أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الذي لا يشوبه شرك، والإيمان الذي لا يشوبه شك، والسير على السنة التي لا تشوبها بدعة. Il dit, حفظه الله تعالى, les gens qui méritent ces bonnes nouvelles du prophète عليه الصلاة والسلام, qui sont concernés par tous ces titres et par tous ces éloges du prophète alayhi salatu wasalam, ce sont les gens des croyances d'Yel Salaf, qui sont sur une croyance authentique, une croyance salafi, sur une aqidah salafia, qui ont cru ce qu'ont cru les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, et du monothéisme dans lequel il n'y a pas un atome d'associationnisme. Ils ont une foi dans laquelle il n'y a pas un doute. Ils se sont cramponnés à la sunna dans laquelle il n'y a pas un atome d'innovation. Ce sont ceux-là, ceux du groupe sauvé, les Ta'if al-Mansoura, al-Ghuraba, al-Nuzza', Hadou. C'est eux qui méritent ce titre-là. Et c'est eux qui rentrent dans ce titre-là. Parce qu'ils ont accompli le monothéisme. Ils ont les mêmes croyances que les croyances de Mohammed alayhi salam, de ses nobles compagnons. Et ils se cramponnent à la sunna et à la voix de plusieurs d'Allah alim. Ils appliquent la sunna sans innovation. Yaqulu rahimahullah, alladhina a'taqadu wahdaniyat Allah wa anfiradahu bil kamalat lati la yushariku fiha ahadun la fi asma'ih l'husna wa la fi sifatihi l'ulya. فأثبتوها له إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بها وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بها، معتقدين بأن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة، واعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالألوهية، فأفردوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك. Et il dit, ce sont ceux qui ont cru en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, en le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans tout et qu'il est parfait en tout et que personne n'est associé avec lui, que ce soit dans ses noms ou dans ses attributs, que de ce soit personne n'est associé avec lui dans ses nobles et ses sublimes noms, ni dans ses nobles attributs. Ils lui ont confirmé les noms et les attributs comme il s'y est à sa grandeur, Azzawajal, et comme il s'y décrit lui-même avec ses noms et avec ses attributs, et comme l'a décrit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils croient que le fait que les noms se ressemblent, cela n'implique pas la ressemblance dans la réalité des attributs. Même si le nom, se ressemble, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit comme il a un visage, même si l'être humain il a un visage, il n'y a aucune ressemblance, le visage d'Allah Azza wa Jal, on lui confirme comme il s'y a à sa grandeur. Et il n'y a aucune ressemblance entre le visage d'une créature et le visage d'Allah Azza wa Jal, loin de là. Donc, ceux-là qui ont confirmé les attributs d'Allah Azza wa Jal, comme il s'y a à la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ont croyant qu'il n'y a aucune ressemblance entre ses attributs et les attributs de ses créatures, ceux-là, ce sont ceux qui se sont cramponnés à la voie solide. Et ceux-là qui ont cru en l'unicité d'Allah, Azza wa Jal, et comme quoi il est unique, qu'il faut lui réserver le culte exclusivement, qu'il ne faut pas prendre d'intermédiaire, qu'il ne faut pas demander à quelqu'un d'autre qu'Allah, Azza wa Jal, et ceux-là ont réservé leur culte à Allah, Azza wa Jal, que ce soit leur dua, leur crainte, leur espoir, leur dévotion et leur envie et leur espoir, ils ont tout ça, ils ont tout réservé pour Allah Azza wa Jal. Wa ha'ula yaqul al-shaykh 'amilu bil qa'idati ash-shar'iyyati fi al-wala'i wal-bara' wa i'taqadu wujub al-bughd lil-kuffar al-milliyin wal-mushrikin al-khurafiyin mimman yantamuna ila al-islam wa yad'una ashab al-adhriha ويفزعون إليهم في الشدائد معتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك الكربة وإعطاء المطلوب، واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه القاعدة فهو كافر مثلهم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. يقول il dit رحمة الله عليه ils ont mis en application cette règle de la législation dans l'alliance ils disavouent hein? Ils ont cru qu'il est hein, obligatoire de désavouer les mécréants tous les mécréants hein, de les désavouer ainsi que les associateurs ainsi que ceux qui vivent en islam avec des histoires à dormir de nouveau et qui se disent musulmans et qui demandent aux gens de tombe aux morts qu'ils vouent leur culte aux morts et que quand ils ont des difficultés ils se tournent vers les tombes. Ils croient que les morts ont une puissance et ils peuvent dissiper hein, les difficultés qu'ils ont, ils peuvent les sortir des impasses là où ils sont et qu'ils donnent ce qu'on leur demande. Et les Ghuraba, ce sont aussi ceux qui ont cru que celui qui croit que ceux-là agissent, qui adorent les tombes, hein, ceux-là en adorant les tombes sont toujours musulmans, celui-là aussi, il a mieux cru. Et il est comme eux, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il prétend qu'il est musulman. Du moment qu'il confirme la voie sur laquelle sont les kuffars et qu'il croit que ceux-là sont musulmans, ils vouent leur culte aux tombes, ils égorgent pour les tombes, ils adorent les tombes et ils demandent aux tombes. Et l'autre, il croit qu'ils sont musulmans, malgré tout ça, ils sont musulmans, malgré ces actes qu'ils vouent à quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Ben celui-là, il est comme eux, dit Cheikh Rahimahullah Ta'ala, il est comme eux, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il prétend qu'il est musulman. ويقول حفظ رحمه الله تعالى واعتقدوا وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الواجب على كل مسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأنه لا عصمة لأحد سواه ولا يعارض قوله بقول أحد ولا حكمه بحكم أحد وأنه لا سبيل إلى الجنة إلا من طريقه وأنه لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على شرعه وأنه صلوات الله وسلامه عليه وخاتم الرسل فلا نبي بعده وأنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود في الآخرة وأنه له معجزات وأعظمها معجزة القرآن الكريم. Et il dit, rahimahullah ta'ala, et ces ghuraba, et ceux qui font partie de ces groupes victorieux, et ce groupe sauvé, ce sont ceux qui croient en l'obligation de suivre Muhammad alayhi salatu salam. Et ils croient qu'il est obligatoire pour tout musulman d'obéir et de mettre en application les ordres de Muhammad alayhi salatu salam, et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et de prendre comme véridique tout ce qu'il nous a annoncé. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adore qu'avec ce qu'il a légiféré. Et il croit aussi que personne n'est épargné de l'erreur sauf Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il croit aussi qu'il n'est pas permis d'opposer la parole de qui que ce soit à la parole de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ni d'opposer le jugement de qui que ce soit au jugement de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il croit aussi que le seul chemin qui mène vers le paradis, c'est le chemin de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il croit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucun acte de qui que ce soit s'il n'est pas dans la législation de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et que alayhi salatu wassalam, c'est le dernier des messagers alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucun prophète après Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est lui qui aura la grande intercession et qui sera au poste loué et qui aura le bassin hein, par lequel il va abreuver c'est ceux qui l'ont suivi le jour de la résurrection et qu'il a beaucoup de miracles et le plus grand des miracles étant le Coran. ويقول الشيخ واعتقدوا ان القران كلام الله منزل غير مخلوق وان الله يرى في الاخره يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر ويكلمونه ويكلمهم وأنه لا تخليد في النار على صاحب الكبيرة إذا مات على الإسلام وهو التوحيد وأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة الإلهية منهم من يعفو الله عنه بدون عذاب ومنهم من يعذب في النار وقتا من الزمن ثم يخرجه الله منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ثم يدخله الجنة. Et il croit aussi que le Coran, c'est la parole d'Allah, Azza wa Jal. et qu'il est descendu d'Allah Azza wa Jal, que ce n'est pas une créature. Le Coran n'est pas une créature, mais c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera vu dans le delà. Les croyants vont le voir dans le paradis, comme ils voient hein, la nuit, la lune en plein, quand il est pleine. Et il va leur parler, ils vont lui parler. Et ces salafis aussi croient que les gens qui ont commis des péchés capitaux ne seront pas éternellement au feu de l'enfer, comme le décrète le Khawarij et autres, et le Mu'tazila. Hein? Huma, ils croient que celui qui a commis des péchés capitaux, il ne sera pas, s'il meurt sur le monothéisme, et il meurt dans l'islam et sur le monothéisme, ben il ne sera pas éternellement au feu de l'enfer. Et que ceux qui commettent des péchés capitaux, ils sont sous le vouloir d'Allah, Azza wa Jal. S'il veut, il leur pardonne, sans les châtier. Et c'est clémence min Allah. Et s'il veut, il les châtie un certain laps de temps. Et après, il les sort, soit par l'intercession de ceux qui acceptent leur intercession, soit par sa clémence, Azza wa Jal. Et après, il les rentrera au paradis. Qu'on déplaise al-Khawarij et al-Mu'tazila. Wa a'taqadu kadhalik anna ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum udul wa afdaluhum Abu Bakr thumma Umar ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشر المشهود لهم بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر ثم من أسلم بعد الفتح. Et ces salafis et ceux qui sont sur la voie de leur puissance d'Allah alim, ces ghuraba croient aussi que les compagnons de Mohammed alayhi salam tous sont des dignes, ils sont tous dignes de confiance, ils sont tous des véridiques. Et le meilleur parmi eux, c'est Abu Bakr. Et après vient Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhum jami'an. Et après Uthman. Et après Ali. Et après le reste des dix à qui le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a attesté le paradis. Et après les gens de Badr. Après les gens qui ont fait l'allégeance au prophète alayhi salam. Sous l'arbre. L'allégeance de l'agrément. Et après ceux qui se sont convertis après la conquête de la Mecque. Et ils ont émigré. Et ceux qui ont émigré, ceux qui se sont convertis avant la conquête de la Mecque, ils ont émigré. Et viennent après eux ceux qui se sont convertis après la conquête. وَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ الْغُرَبَاءِ يَقُولُ الشَّيْخِ يَتَوَلَّوْنَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْتَقِدُونَ فِيهِمْ وَلَا فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ الْعِصْمَةَ بَلْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ فِيهِمْ الْمُطِيعَ وَالْعَاصِي وَالْبَرَّ وَالْفَاجِرَ شَأْنُهُمْ شَأْنُ غَيْرِهِمْ إِلَّا أَنَّ الْمُطِيعِينَ مِنْهُمْ لَهُمْ حَقُّ الْقَرَابَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ. Et ils sont installés aussi avec les gens de la maison de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, mais ils ne croient pas qu'ils sont épargnés de l'erreur. Mais ils croient que parmi ceux de la famille du prophète alayhi salam et de la descendance de Mohammed alayhi salam, il y a parmi eux l'obéissant, il y a le désobéissant, il y a le dévoué, il y a le pervers. Hein? Leur situation est la situation de tous ceux qui ont obéissé à Allah azza wa jal. Mais ils ont un truc de particulier, un truc de plus, c'est qu'ils ont le droit d'être de la famille du prophète alayhi salam. Ils ont ce droit-là. Ils ont le droit de l'islam, ils ont deux droits. Le droit qu'ils sont proches du prophète alayhi salatu wassalam, et le droit qu'ils sont musulmans, et le droit de l'islam. Et avec ça, hein, le ghuraba sont différents. Et d'yal khawarij, et d'yal rawafid akhzahum Allah. Hein, ils sont dans une ligne droite, dans un juste milieu. Que ça soit en ce qui concerne ceux qui ont commis les péchés capitaux, ou que ce soit les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, ou les proches de Mohammed alayhi salatu wassalam. وكذلك أن الفرقة الناجية يقول الشيخ وأن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة وهم الغرباء وهم النزاع من القبائل وإنما سموا غرباء لقلتهم ومخالفتهم لما عليه أهل زمانهم ومكانهم من الفساد والشر واتباعهم للشرع في وسط الجموع الفاسدة. Il dit, حفظ رحمه الله تعالى, et le groupe sauvé et la fraction victorieuse, ce sont les étrangers, ce sont Nuzza. On les a appelés Nuzza parmi les tribus. Ici, on les a appelés le Ghuraba parce qu'ils sont nombreux, ils sont peu nombreux. Et parce qu'ils sont, ils sont pas sur la même voie sur laquelle sont leurs contemporains. Et ils sont dans le bien et les autres sont dans le mal. Et parce que ils suivent la législation d'Allah, Zawaljal, dans cette marée du mal. Hein? Et c'est pour ça qu'on les appelle Nuzar min al-Qaba'il. C'est-à-dire que ça veut dire qu'ils sont peu nombreux. On les appelle Ghuraba parce qu'ils sont Ghuraba. Tu vois, celui qui est dans la Sunna et qui se cramponne à la Sunna, il est étranger partout. Même à la maison, avec ses parents, il est étranger. وهنا تعليق للشيخ في الهامش يقول حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى الحق أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهم الغرباء وهم النزع من القبائل وأن هذه أوصاف لفئة واحدة هم أهل الحديث ومن اعتقد عقيدتهم وهي العقيدة التي ذكرت شيئا منها على سبيل الإجمال وهي مبسوطة في الكتب المخصصة لها وهم متبعوا الآثار كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة الهدى فروى الحاكم في معرفة الحديث عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن معنى هذا الحديث لا يزال ناس من أمة المنصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة فقال إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم قال أبو عبد الله وفي مثل هذا قيل من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. Il a aussi, Cheikh a fait des annotations sur, en bas de la page, et il a dit en vérité, la fraction victorieuse, et le groupe sauvé, et les étrangers, innuzza' min al-qaba'il, les peu de personnes d'une tribu, hein, les particuliers, ou les marginaux d'une tribu, hein, cela ce sont tous une description pour une seule catégorie de musulmans, qui sont les gens du hadith, et ceux qui ont les mêmes croyances qu'eux. Ces croyances dont nous a cité, hein, Cheikh Hafidhahullah, rahimahullah ta'ala, un certain ensemble en général. Et il a dit, et ces croyances sont détaillées dans les livres d'Al-Aqida. Et il dit, ces ghuraba sont ceux qui suivent les textes, ceux qui suivent les preuves, ceux qui suivent la trace. C'est d'avoir la trace de Mohammed alayhi salatu salam, de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Comme l'ont décrété les hommes de science et les imams de la guidée, Al-Hakim de nous rapporter, dans son livre, La connaissance du hadith, il rapporte directement de Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, qu'on a posé la question à l'imam Ahmed, qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Restera toujours quelques gens de ma communauté qui seront triomphants. Qui triompheront et qui seront apparents, peu importe ceux qui vont les détourner de la vérité. Et ceci jusqu'à la résurrection. Et il a dit, rahmatullah alayh, cette ta'ifa, cette fraction, ce sont les gens du hadith. Si ce n'est pas les gens du hadith, je ne sais pas qui ils sont. Abu Abdillah, al-Hakim, dit, et dans ce sens-là, il a été dit, celui qui met en application la sunna et qui se cramponne à la sunna au niveau de la parole, au niveau des actes, celui-là, il va parler de la vérité. Ça veut dire, hein, que l'imam Ahmed, comme il a appliqué la sunna au niveau de ses paroles, au niveau de ses actes, ben, il a dit la vérité. Et dans ce qu'il a décrété pour ce hadith, que Taïf al-Mansoura et Taïf al-Firq al-Najia, ce sont les gens du hadith, c'est la vérité. Parce que lui, il s'est cramponné à la sunna de Mohammed alayhi sallam, au niveau de ses paroles et au niveau de ses actes. Et donc, il est sorti de sa bouche, comme l'ont dit certains, la vérité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette parole dans cette science qui dit, celui qui applique la sunna sur lui-même, au niveau de la parole et des actes, celui-là dira la vérité. Et dans ces cas-là, l'imam Ahmed rentre dedans en priorité. يقول الشيخ فلقد أحسن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في تفسير هذا الخبر أن التائفة المنصورة التي يدفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع من المخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وصحبه أجمعين من قوم أثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوثار وتنعم بالبؤس في الأصفار مع مساكنة العلم بالأخبار. اي الشيخ حفظه الله تعالى de dire, et il a dit, c'est une belle parole, et il a dit vrai l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, quand il a expliqué ce hadith d'Al Ta'if al-Mansoura, que ce Ta'if al-Mansoura va repousser tous ceux qui vont les induire en erreur jusqu'à la fin du temps, et ce sont les gens du hadith, il a dit l'imam Ahmed. Il a dit vrai. Et il a dit, qui mérite le plus cette interprétation? Cette interprétation de dire d'eux que si les hommes du hadith, ce sont eux, Ta'if al-Mansoura, le groupe victorieux, c'est eux qui le méritent. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la voie claire des vertueux. Ils ont suivi les preuves. Ils ont suivi la trace de leur puiseur d'Allah Alim. Ils ont anéanti l'innovation. Ils ont anéanti ceux qui sont en divergence avec les sunan du prophète alayhi salatu salam et qui, ceux qui sont en divergence avec ses nobles compagnons d'Allah Alim. Ils ont préféré, traverser les déserts et au lieu de s'encrouter dans les délices de la vie, pour aller chercher, ils ont préféré la pauvreté et le voyage, pour aller chercher la science et avoir comme compagnon la science et les hadiths du prophète alayhi salatu salam et la science bénéfique. وساق إسناده إلى حفص بن غيات أنه قيل له ألا تنظر إلى أهل الحديث وما هم فيه؟ قال هم خير أهل الدنيا. وإلى أبي بكر بن عياش أنه قال إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس. ثم قال الحاكم ولقد صدقا جميعا إن أصحاب الحديث خير الناس وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا وراءهم بأسرها وجعلوا غذاءهم الكتابة وسموهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلوقهم المداد فعقولهم بلذاذة السنة غامرة وقلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة عامرة وقلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة عامرة تعلم السنن عامرة تعلم السنن سرورهم ومجالس العلم حبورهم وأهل السنة قاطبة إخوانهم وأهل البدع بأسرها أعداؤهم. فالشيخ de continuer encore de tout ce que nous lisons jusqu'à maintenant, il le rapporte du Hakim. Il dit ici, il Hakim a ramené avec sa chaîne de transmission qu'il a remonte à Hafs ibn Riyad, qu'on lui a dit, nous vois-tu les gens, vois-tu les gens du hadith et la situation dans laquelle ils sont? Et Hafs ibn Riyad de répondre, les gens du hadith sont les meilleurs de ce bas monde. Et le rapportant à Abi Bakr ibn Riyash, qu'il a dit, j'espère que les gens du hadith sont les meilleurs des humains. Il Hakim a dit, ils ont tous les deux des vrais. Les gens du hadith, ce sont les meilleurs des gens. Comment ça ne peut pas être autrement? Ils ont donné le doigt à ce bas monde. Ils ont fait que leur nourriture, c'est l'écriture, c'est-à-dire écrire le hadith du prophète alayhi salam, et leurs hautes aspirations, c'est le fait de réciter et de mémoriser le hadith, et leur repos, ils le font compte, ils discutent entre eux, ils parlent de la science entre eux, et leur... Et leur raison prend plaisir dans la sunna et leur cœur dans toutes les situations sont réjouis. Le fait d'apprendre les sunan les réjouit et les assises de science, ce sont ce qu'ils cherchent. Et les gens de la sunna partout où ils sont, ce sont leurs frères. Et les gens de l'innovation là où ils sont, ce sont leurs ennemis. ويقول رحمه الله تعالى ناقلا عن الحاكم سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن حسن يا أبا عبد الله ذكروا لي ابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال زنديق زنديق زنديق ودخل البيت ثم ساق سنده إلى أحمد بن سنان القطان أنه قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. Et toujours, Cheikh Najmi de nous citer les paroles de l'Hakim, l'Hakim de dire, j'ai entendu Abel Hussein, Mohamed ibn Ahmed, Al-Hamdali, à Bagdad, dire, j'ai entendu Abba Ismail, Mohamed ibn Ismail, Al-Tirmidhi, dire, j'étais, moi et Ahmed ibn Hassan Al-Tirmidhi, chez Abu Abdillah, Ahmed ibn Hanbal, et Ahmed ibn Hassan a dit ya Aba Abdillah, en parlant à l'imam Ahmed, ils ont parlé à Ibn Abi Qutaylata à Mecca, ils lui ont parlé des hommes du hadith, et Ibn Abi Qutaylata a dit les hommes du hadith ce sont des gens du mal. Abu Abdillah, l'imam Ahmed, s'est levé en secouant ses vêtements, il a dit c'est un zindiq, zindiq ça veut dire hypocrite. Et il est rentré chez lui. Il Hakim a remonté un autre attar à l'imam Ahmed par la voix de Ibn Sina al-Qattan, qu'il a dit, c'est-à-dire l'imam Ahmed, il n'y a pas dans le monde un moubtadi', un innovateur qui ne déteste pas les gens du hadith. Et quand un homme innove une innovation, il n'a plus le goût du hadith dans son cœur. Quand un homme innove une innovation, il n'aura plus le goût du hadith dans son cœur. Regardez, les hommes du hadith sont dans un repos quand ils sont dans leur discussion. Et on a entendu Cheikh Mouqbil, Hafidallah Ta'ala, Arhimallah Ta'ala, de dire je rentre avec une grande fatigue. Et dès que j'entends Haddatana wa an wa kada, je retrouve le repos. C'est les hommes du hadith qui trouvent le repos. Haddatana, c'est-à-dire qu'il nous a été transmis. Deux et deux avec les chaînes de transmission. Cheikh Mouqbil, il trouvait son repos. Et regardez aussi, Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, il s'occupait à vendre des montres et à les réparer. Et au moment où il a la subsistance de la journée, il ferme la boutique. Il va où? Il va à Zahiriya. Aller authentifier les hadiths du prophète alayhi salam et aller à apprendre la sunna du prophète alayhi salam. Ainsi, l'aspiration est la grandeur de ces hommes du hadith. Et quand l'imam Ahmed il a dit que il n'y a pas dans le monde un innovateur qui ne déteste pas les gens du hadith, regardez l'Ahbash, comment il déteste Cheikh Nasser rahimahullah ta'ala. Regardez Tabligh, comment il déteste Cheikh Nasser et Cheikh Ibn Baz et autres parmi les hommes de science. Tous les groupes, et même les Ikhwan et autres, tous, ils détestent ces grands temps du hadith. Même s'ils citent leurs paroles, ils ont été authentifiés, etc. Mais en réalité, ce n'est que de la poudre qu'ils aient dans les yeux, pour s'accaparer de l'esprit des gens. Qala Abu Abdillah, Ayl Hakim, وعلى هذا عهدنا في أصفارنا وأوطاننا كل من ينتسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية. وكل هذا نقله الشيخ النجمي حفظه الله تعالى من كتاب أهل الحديث هم الطائفة المنصورة للشيخ ربيع رحمه الله تعالى من الصفحة 99 إلى الصفحة 101. Et la parole toujours est à Imam الحاكم رحمه الله تعالى يا أبو قال أبو عبد الله هادي دوسكي إلى ماركي الشيخ النجمي ici et dans nos voyages et dans nos pays c'est ce que nous avons connu tous ceux qui appartiennent à l'innovation ou là à une forme de mécréance regardent le groupe victorieux avec un œil de l'avilissement et les appellent الحشوية c'est-à-dire ceux qui s'occupent des marges. Et tout ce que nous avons entendu dans cette marge-là, Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, l'a copié directement du livre de Cheikh Rabi', dont le titre est Ahl Hadith, ce sont le groupe victorieux. Et ce livre est à Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, de la page 99 à la page 101. Yaqulu Cheikh, معلقا على هذا رحمه الله، وقد تبين من هذا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس والنزاع من القبائل هم أهل الحديث، وهم حملة السنن المقتفون للآثار، العاملون بها، الذابون عنها، المجاهدون في سبيل تعلمها ونشرها ليلا ونهارا وسرا وجهارا وقولا وفعلا، ومن تبعهم على عقيدتهم وسلك سبيلهم في العقيدة والعمل فهو منهم وسبيله سبيلهم، وإن كان دونهم في الرتبة فكن منهم يا عبد الله، تنجو وتسعد وتنال في الجنة أحسن مقعد. يقول رب العزة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Et en commentaire à tout ce passage qu'il a pris dans le livre de Cheikh Rabi', Cheikh Najmi rahimahullah dit: partant de là, il t'apparaît clairement que le groupe sauvé, le groupe victorieux, les étrangers, ceux qui font bien quand les autres font mal, nous'a, les marginaux du tribu, ce sont les gens du hadith. Ce sont ceux qui portent sunna et qui suivent la sunna, qui la mettent en application, qui défendent la sunna, qui ont fait des efforts à apprendre la sunna et à propager la sunna nuit et jour, que ce soit en public ou en privé, que ce soit au niveau de la parole ou au niveau des actes. Et ceux qui les suivent sur leur croyance et qui prennent le même chemin qu'eux dans leur croyance et dans les actes, ils font partie d'eux. Et leur chemin, c'est leur chemin. Même s'il a, il n'a pas leur bagage, même s'il n'est pas de leur niveau, ça lui suffit de le suivre dans leur croyance et de les prendre comme modèle et de les avoir comme repère et comme modèle devant lui. Et il dit, rahimahullah ta'ala, sois au serviteur d'Allah azza wa jal avec eux et sur leur chemin, tu vas avoir le bonheur deux fois, le bonheur dans ce bas monde et tu vas avoir la meilleure des places au paradis. Car il est dit dans le verset dans surat Al-An'am, et certes, les muttaqoun seront dans des jardins sur lesquels coule du fleuve, dans une place véridique, chez un roi puissant, chez Allah Azza wa Jal. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى فصل: وأما معنى ظهورهم على عدوهم فهو ظهورهم بالحجة في كل زمان ومكان، وقد يظهرون أحيانا بالقوة المادية وقد يكونون غير ظاهرين ماديا، ولكنهم يكونون ظاهرين بالحجة الفالجة والسلطان الغالب، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Et Cheikh d'ouvrir un autre paragraphe dans le 13e chapitre, il dit: qu'est-ce que ça veut dire, comme quoi ils sont triomphants, ils sont apparents sur leurs ennemis? Il dit: leur apparence se fait avec la preuve en tout lieu, en tout temps. Et des fois même, leur apparence se fait matériellement. Ils peuvent être apparents matériellement. Mais il a dit, en général, ils sont apparents avec leur preuve. La preuve qui casse tout, qui est un pouvoir sur tout. Comme il a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans Surat Al-An'am, ça c'est notre preuve que nous avons donnée à Ibrahim sur son peuple, et on élève à des degrés qui on veut. ويقول الشيخ: ولم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظاهرا على قومه ماديا، وإنما ظهر عليهم بالحجة الفالجة والسلطان الغالب. ومن استقرأ التاريخ يعلم صحة ما قلته، فأصحاب الحديث والعقيدة السلفية المنوه عنهم في الأحاديث الصحيحة بالفرقة الناجية تارة والطائفة المنصورة تارة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس تارة والنزع من القبائل تارة لم يكونوا ظاهرين حسيا أو بالأحرى سياسيا وعسكريا في زمان ومكان، وإن كانوا قد يظهرون أحيانا حسيا وماديا كما أنهم ظاهرون بالحجة والسلطان في كل زمان. Il dit, حفظه الله تعالى, Ibrahim عليه الصلاة والسلام n'avait pas l'apparence sur son peuple au niveau matériel. Il n'avait pas de pouvoir. Mais son apparence était avec une preuve fracassante. Et celui, il dit, حفظه الله تعالى, celui qui lit l'histoire va s'arrêter, il va trouver la véracité de ce que je dis. Les gens du hadith et les gens de la aqidah diffuseur d'Allah dont il s'agit dans le hadith, des fois ils sont désignés par le groupe sauvé, des fois par le groupe victorieux, des fois par les étrangers qui font bien quand les autres font mal, des fois par Nuzza, les marginaux et les particuliers des tribus. Cela, leur apparence n'a pas été au niveau du matériel. Ça n'a pas été une apparence politique, ni militaire, en tout lieu, en tout temps. Mais leur apparence, des fois, ça a été, il a été matériel et politique. Mais la majorité du temps, leur apparence, c'est une apparence de la preuve. C'est une apparence, hein, des preuves irréfutables, en tout lieu, en tout temps. Wa yaqulu al-shaykh رحمه الله وقد يكون ظهورهم في بلد دون آخر وزمن دون آخر كما تحقق ذلك في الجزيرة العربية في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود وأنجالهما رحمهم الله ثم اختفى قليلا بسبب حملة إبراهيم باشا المعادية لدعوة التوحيد ثم عاد إلى الظهور في عهد الأمير فيصل بن تركي رحمه الله ثم اختفى بعد ذلك ثم عاد إلى الظهور بصورة أقوى وأعم وأوضح في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله رحمة الأبرار الأخيار فقد نشر التوحيد والعقيدة السلفية في عهده وقضى على المعابد الوثنية ومحى آثارها ومنع البدع المخالفة للشرع الحنيف وأبدلها بالسنة ونشر العلم الشرعي وعان عليه ونصر حملته ثم صار أنجاله الغر الميامين على نفس الطريقة التي رسمها لهم رحمه الله ورحم من قد أوفى من قد وافى أجله من أولاده وحفظ من بقي منهم من كل سوء ومكروه ووفقهم لكل خير آمين يا رب العالمين إيه يلدي حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى تذكروا غابارانس va être dans un pays et pas un autre. Ils vont être apparents dans une région et pas dans une autre. Ils vont être apparents à une certaine époque et pas à une autre époque. Et comme c'est arrivé, comme ça s'est accompli dans la péninsule arabe, c'est à l'époque de Mohammed ibn Abdelhab, rahimahullah ta'ala, et le prince Mohammed ibn Saoud et leurs enfants que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Ça a disparu à un moment donné. Pourquoi ça a disparu? À cause des attaques d'Ibrahim Bacha, qui était un ennemi de la da'wah du tawhid. Et après, c'est revenu à l'époque de l'amir Faisal ibn Turki, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Et après, ça a disparu. Après, c'est revenu et c'est devenu apparent avec une image beaucoup plus forte et plus générale et plus claire à l'époque du roi Abdulaziz ibn Abdurrahman Faisal, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Hein? Parce que ces nobles hommes a propagé le monothéisme, il a aqidé d'Yel Salaf à son époque, et il a anéanti les endroits de l'associationnisme. Et il les a effacés de la planète, dont la péninsule. Et il a interdit les innovations. Et il a interdit le fait d'être en divergence avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Il a tout changé avec la sunna du prophète alayhi salam, et il a propagé la science de la législation. Et il a aidé à faire triompher ceux qui portent la science. Et ses enfants ont pris le même chemin que lui, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, qu'il couvre de sa sainte miséricorde les morts et qu'il préserve les vivants parmi eux de tout mal. Amin ya rabbal alamin. فالمدارس إخوة الإسلام يقول الشيخ فالمدارس في هذه البلاد أي في السعودية يدرس فيها التوحيد من السنة الأولى الابتدائية إلى آخر سنة في الجامعة بطريقة التدرج الصعودي والمذهب السلفي سائد والبدع محاربة والحمد لله وإن كان هناك مظاهر سيئة أوجدها الطرف إلا أنها محاربة والحمد لله إلى حفظه الله تعالى les écoles dont on a en Saoudi ce qui est vrai tout un chacun le voit dans les écoles. Depuis le bas âge, on enseigne le monothéisme. Qu'on déplaise al-Khawariz, qu'on déplaise al-Ikhwan, qu'on déplaise aux éclatés de la planète. Dans ce pays, depuis le bas âge, on enseigne le monothéisme jusqu'à la dernière année de la fac. Par, on évolue, avec l'évolution. Et on enseigne la voie d'Yel Salaf. Et on fait le combat, on combat, hein, les innovations. Et toute la louange revient à Allah, Azza wa Jal. Même si certains aspects du mal sont apparents, mais ils sont combattus. Même s'il y a, et ces aspects du mal sont apparents, pourquoi? C'est la richesse, comme dit Cheikh, qui a fait ça. c'est le fait d'avoir baigné dans l'argent, etc., qui fait que certains aspects du mal et de la sont apparents. Mais il dit, ils sont combattus, et la louange revient à Allah, Azza wa Jal. Wa yaqulu hafidha Allah ta'ala, wa ad-dawlatu tu'inu ala izalati kulli madharin sayyin yukhalifu ash-shar'a, waffaqaha Allah wa nasara biha. L'islam wa nasaraha bih, wa lastu uridu bihada illa at-tamtil, anna al-aqidata as-salafiyya, قد تكون احيانا منصوره حسيه الى جانب انها منصوره دائما وابدا بالحجه والسلطان ولكن ذلك يكون في مكان دون مكان وزمان دون زمان والاكثر دائما ان تكون السلطه والقوه الماديه في الجانب المعادي لهم il dit رحمه الله تعالى et ce pays, c'est-à-dire l'état de ce pays, fait des efforts pour enlever, pour irradier toutes les apparences qui sont et tout le mal et toutes les choses qui sont en divergence avec la législation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accomplit à faire triompher l'islam et à être triomphé et que son moyen de triomphe soit l'islam. Amin ya rabbal alamin. Et il dit, rahimahullah ta'ala, je ne voulais que donner un exemple, que l'aqid al-salafiya, des fois il est apparente matériellement. Mais à côté de ça, il est toujours apparente avec la preuve. Et ceci en tout lieu et en tout temps. Et ce qui est monnaie courante et ce qui est général, c'est que souvent, les autorités, et la puissance matérielle est toujours dans le côté qui est contraire à la da'wa salafia. Hada, c'est ce qui est. C'est ce qui est général. Mais il arrive que le côté matériel et le pouvoir, avec da'wa salafia, sont la main dans la main. Mais n'importe comment, l'apparence de la da'wa salafia, il est avec la preuve, les preuves irréfutables. Wa yaqulu ash-shaykh hafidhahullah ta'ala, wa law hamilna al-hadith 'ala ad-duhur al-hiss al-maddi, la kana khabar ash-shari'i. La kana khabar ash-shari' al-ma'soum, wa alladhi la yantiqu 'ani al-hawa qad takhallaf, wa ma kana لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلف أبدا لأنه وحي من الله الذي علم كل شيء. Et cher de nous dire, pour attirer notre attention sur les compréhensions saines des hommes de science, si nous portons le hadith de l'apparence du groupe sauvé sur une apparence matérielle, ça veut dire que là on va mettre de côté l'annonce du prophète alayhi salatu wasalam qui est épargné de l'erreur, qui ne parle pas de ses propres passions. Et son annonce va s'absenter. Et l'annonce du prophète alayhi salatu wasalam n'a pas à s'absenter parce que il ne parle pas de ses propres passions. C'est une révélation qui lui est faite de celui qui sait tout, qui est Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, l'apparence qu'ont donné les hommes de science à Taïf al-Mansoura, c'est l'apparence de la preuve irréfutable. Mais il peut y avoir aussi qu'il y ait, comme à travers l'histoire musulmane, il y a eu une apparence aussi matérielle. L'un n'empêche pas l'autre. Mais la grande apparence, c'est l'apparence avec la preuve. ويقول الشيخ لذلك فإن حمله على الظهور بالحجة والسلطان هو المتعين كما ظهر إبراهيم عليه السلام على قومه بالحجة التي أضافها الله عز وجل إلى نفسه تعالى لأنه هو الذي علمها نبيه وخليله ولذا فإننا نجد أن أتباع الرسل وحملة العقيدة السلفية من العلماء تكون الغلبة لهم على أعداء الحق في كل زمان ومكان ولذلك فإن أعداء الحق يلجأون إذا غلبوا إلى القوة المادية ليستعملوها ضدها للحق كما قال فرعون لعنه الله لموسى عليه الصلاة والسلام حين غلبه بالحجة لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. C'est pour ça que l'apparence dans le hadith, c'est l'apparence de la preuve. La preuve irréfutable, la preuve fracassante. Ibrahim عليه الصلاة والسلام, il a été apparent devant son peuple et après la supprimation avec quoi? Avec la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'y a attribué lui-même. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِمْ. Ça, c'est notre preuve que nous avons donnée à Ibrahim a.s. Donc ces preuves viennent min Allah azza wa jal. Et les preuves de notre prophète a.s. viennent min Allah azza wa jal aussi. Donc, ils ne peuvent qu'être triomphants et apparents. Et donc, Hein? Ibrahim alayhi salam a eu le dessus sur son peuple avec la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué lui-même. Parce que c'est lui qui l'a appris à son messager alayhi salam et à son intime. Et c'est pour ça que nous voyons que les disciples et ceux qui suivent les prophètes alayhi salam et ceux qui portent l'aqidah salafia parmi les hommes de science ont toujours la suprématie sur les ennemis de la vérité. Ont tout lieu et ont tout temps. Parce que les ennemis de la vérité, quand ils sont vaincus, ils partent vers la puissance. Et ils utilisent la puissance comme contre les gens de la vérité, comme a fait Pharaon vis-à-vis de Moussa, alayhi salatu salam. Et quand Moussa l'a vaincu avec la preuve, il lui a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala, si tu prends une autre divinité que moi, je vais t'emprisonner. C'est tout. À la fin, que vers quoi il est arrivé, les ennemis de la vérité, vers quoi ils vont aller? À utiliser la force. وكما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين كانت تعقد مجالس المناظرة بينه وبين علماء عصره الذين كانوا على العقيدة الأشعرية فيخرج منتصرا في كل مجلس فلم يجدوا شيئا يتشفون به إلا كونهم يحملون فلم يجدوا شيئا يتشفون به إلا كونهم يحملون الدولة على سجنه خوفا من أن يضل الناس فيما زعموا. Et comme ce qui est arrivé à Cheikh l'Islam le Taymiyyah rahimahullah ta'ala, quand il y a eu des assises où il y a eu des débats entre lui et les savants de son époque qui étaient sur l'aqidah d'Al Asha'ira, il sortait toujours triomphant. Dans toutes les assises, c'est lui qui avait le dernier mot et qui avait le triomphe. Ils n'ont rien trouvé pour assouvir leur haine que de pousser l'État et les autorités à l'emprisonner par peur, soi-disant, qu'ils égarent les gens comme ils prétendent. C'est comme ça qu'ils combattent la vérité. En déguisant les situations et en faussant tout. ولم يفعلوا ذلك إلا حين غلبوا بالحجة مع أنه واحد وهم كثير ولهم مناصب في الدولة في دولة ذلك الزمان تمكن من أن يقول فيسمع لقولهم فمن ينظر إلى الحالة الحسية يقول إنهم هم الذين انتصروا عليه وظهروا عليه لكونه كان مسجونا وهم متبوؤون للمناصب العالية ومن نظر إلى الحقيقة يجد أنه هو الذي انتصر عليهم وظهر عليهم بالحجة وهو الطائفة وإن كان واحدا كما كان إبراهيم عليه السلام أمة واحدة وبالله التوفيق. Et pourquoi ils ont agi ainsi? Ils ont poussé l'État à l'emprisonner. Une fois qu'ils étaient vaincus avec la preuve, une fois qu'ils se sont retrouvés plaqués contre le mur, alors que Ibn Taymiyyah était seul, et Huma, ils étaient plusieurs, parmi eux les juges, ils avaient des postes dans l'État, qui pouvaient dire ce qu'ils voulaient, on entend leurs paroles. Et celui qui voit la situation, il va dire que c'est eux qui ont eu le triomphe sur Ibn Taymiyyah, parce qu'ils l'ont emprisonné, alors qu'eux ont les postes. On les poste de juge, on les poste de l'enseignement, on les poste du verdict, etc. Mais celui qui regarde la réalité en face, voit que c'est Ibn Taymiyyah qui a eu le dessus sur eux. Et celui qui a été apparent sur eux, avec la preuve, et que lui tout seul à ce moment-là, il était le groupe sauvé. Même s'il était unique, il était la communauté, il était la vérité. Comme Ibrahim a.s. était à lui seul la communauté. Enfin, le triomphe, c'est le triomphe de la preuve. ونأتي إلى الخاتمة et vers la conclusion, la fin de ce livre, inshallah. Hein? يقول الشيخ وقد تبين مما سبق أن هذه المناهج التي كتبت عنها وهما منهج الإخوان المسلمون وما تفرع عنه من قطبية أو سرورية ومنهج التبليغ قد ترك أصحابها أعظم أصل في الإسلام وأعظم أساس فيه ألا وهو التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حيث يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقد أخبر الله عز وجل عن كل رسول أنه يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Donc, et nous arrivons à la conclusion, et cher de nous dire, rahimahullah ta'ala, il nous apparaît clairement que ces voies sur lesquelles j'ai écrit et que j'ai critiqué, qui sont le Menhaj Djel Ikhwan Mouflisoun et les groupes qui sont sortis du giron de Djel Ikhwan Mouflisoun, que ce soit le Qutbiya ou le Sururiya, ou alors aussi la voie d'El Tablir qu'il a critiqué aussi, que les gens de cette voie-là et les responsables de cette voie ont laissé le fondement principal de l'islam de côté. Et le pilier principal et la fondation principale de l'islam qui est le monothéisme vers lequel ont appelé les messagers alayhi salatu wassalam. Et le premier des messagers qui a appelé vers le monothéisme étant Nuh alayhi salatu wassalam, le dernier étant Muhammad. Et ceci avec le témoignage du Coran. Le Coran dans lequel s'immisce aucun mal, dans lequel il n'y a pas une divergence ou là une contradiction. Parce que c'est, il descend de celui qui a fait les choses à la perfection et qui est le seul digne d'être loué. Qui Allah Azza wa Jal. Il est dit dans le verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Qu'est-ce qu'il a dit le messager? Adorez Allah et évitez d'adorer Tarot. Et Tarot, c'est tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé aussi que tout prophète est venu vers son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète à son peuple? Ô peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. وقد ترى يقول الشيخ وقد ترك هؤلاء هذا الأصل الأصيل الذي بدأت به الرسل واستهانوا بضده وهو الشرك الأكبر ففعلوه أو فعل أمامهم فأقروه وشجعوا على فعله بالسكوت عمن فعله وعمن فعله والتغاضي عنه حتى ظن الجهال أن عبادة القبور ودعوة أصحابها عند الشدائد هو الدين فدعي الأموات وطلب منهم قضاء الحوائج وكشف الشدائد وتفريج الكروب من غير نكير بل وقع الشرك الأكبر من قادتهم كما تقدم. Et il a dit, ils ont délaissé ce fondement principal avec lequel ont commencé les messagers alayhi salatu wassalam. Ils ont négligé le contraire de ce fondement principal qui est l'associationnisme, le grand associationnisme. Et certains sont tombés dans le grand associationnisme. Ou alors certains, le grand associationnisme s'est accompli devant eux, ils l'ont confirmé, ils l'ont encouragé en se taisant sur ceux qui l'ont fait. Ils ont fermé leurs yeux, à tel point que les ignorants ont cru que le fait d'ouvrir des cultes à des tombes et le fait de demander à ceux qui sont dans les tombes, quand on est en difficulté, ça c'est la religion. Et ainsi, les gens demandent aux tombes de leur faciliter leur situation, de leur donner des enfants, de les délivrer des mauvaises situations dans lesquelles ils se trouvent, et ainsi de suite. Et personne ne blâme parmi ce groupe. Même l'associationnisme a été accompli parmi leurs grands leaders. Et beaucoup parmi eux, parmi leurs théoriciens, etc., confirment l'associationnisme. Quand tu sais que Hada Telem Samani, qui est l'une des grandes têtes de l'Ikhwan, hein, qui a été le morshid du monde, hein, pour lui, que quelqu'un s'étale sur une tombe et qu'il est avec eux, ce n'est pas un problème. Si cette personne trouve sa quiétude en étant étalé sur une tombe, ce n'est pas un problème. Et que il ne voit pas la différence entre le fait de demander à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est mort. Vous voyez, hein? Et aussi, tous les exemples qui ont été cités sur Jama'at Tabligh, pourquoi ils négligent le monothéisme de l'adoration? Maintenant, ils commencent depuis à peu près quelques années maintenant, ils commencent à parler, à jeter de la poussière dans les yeux en parlant du monothéisme de l'adoration. Mais pourquoi ils l'ont fait? Une fois que les critiques ont été sévères, et les critiques des gens de la sunna et les cibles et les flèches des gens de la sunna ont été orientées vers eux. À ce moment-là, ils ont commencé à jeter de la poudre aux yeux. Qu'ils continuent, Inch'Allah, dans cette voie-là. ثانيا يقول الشيخ أن القادة والمؤسسين في هذه المناهج شرعوا لأتباعهم قوانين في الدعوة لم يشرع الله ولا رسوله فأوجبوا ما ليس بواجب بمحض الشرع وتركوا بعض الفرائض المهمة والواجبات مؤكدة فاعتنى أتباعهم بما حضوهم عليه من السنن وكان له عندهم الأولوية وتركوا ما لم يحضوهم عليه من الأصول والأسس في الدين. Il dit رحمه الله تعالى deuxièmement, ها, les têtes de ces groupes et les fondateurs de ces deux groupes ont légiféré à leurs disciples des lois dont da'wa qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré, ni son prophète alayhi salatu wassalam. Ils leur ont fait obligatoire des choses qui ne sont pas obligatoires dans la législation d'Allah. Et ils ont délaissé de côté le plus important et les obligations importantes dans la religion. Et leurs disciples se sont occupés des choses que leur ont imposées, que leur ont fait obligatoire leurs leaders. Et les principes instaurés par leurs leaders ont eu la priorité sur les disciples. Et ils se sont acharnés sur ces fondements. Ils ont laissé l'essentiel de la religion de Allah Azzawajal et de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. ثالثا يقول الشيخ وترتب على ذلك أن قدم أتباعهم المؤخر وأخر المقدم فإن سمعوا داعيا يحض على التوحيد ويبين منزلته من الدين وأنه هو الأساس الأعظم فيه ويبين خطر الشرك وفضاعته وفحشه سخروا منه وحقروه وزعموا أنه صاحب عقل بدائي لأنه يوجه نقده إلى الشرك البدائي الساذج ويترك الشرك السياسي والخمر والعهرة والإباحية السائدة. Et troisièmement, des chers, ils ont découlé de ceci, c'est que leurs disciples, ce qui devait être en avant, ils l'ont mis en arrière. Et ce qui devait être en arrière, ils l'ont mis en avant. Ils ont tout changé. Et quand ils entendent quelqu'un appeler vers le monothéisme, et montrer l'importance du monothéisme dans la religion, et comme quoi c'est le pilier principal, et quand ce quelqu'un, ce da'i, montre le danger de l'associationnisme, et le blâmable qu'il y a dans l'association, ils se moquent de lui. Ils prétendent qu'il a une raison primitive, parce que ils critiquent l'associationnisme, soi-disant primitif chez eux, et l'associationnisme naïf. Et il délaisse l'associationnisme politique. Et il délaisse, il ne blâme pas l'associationnisme politique. Il ne blâme pas l'alcool. Il ne blâme pas l'adultère. Il ne blâme pas le libertinage qui est monnaie courante. Chouba. Comme des déluges. Yaqoul le cheikh fait finir et dit à des chouba. Et entendu maintenant ce que dit cheikh pour anéantir cette chouba. Parce que c'est une énorme chouba. قلنا يقول الشيخ أما النهي عن الخمر والعهر والإباحية وتحريمها وبيان مضارها فما أحسنه إن بني على التوحيد وكان بعد بيان مضار الشرك بالله المخلل في النار وأما الشرك السياسي فنقول إن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له شاملة للدعوة إلى ترك الشرك السياسي وشرك العبادة وأن الله قد أرسل رسلا إلى قومهم ولم يأمر أحدا منهم أن ينهى عن الشرك السياسي ويترك شرك العبادة بل أمرهم أن يدعوا أممهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدون من دون الله كذلك أنه ما من قوم بعث فيهم رسول إلا ولهم كهان يتحاكمون إليهم ولهم رؤساء يحكمون بغير ما أنزل الله فلم يأمرهم أن يخصصوا دعوتهم لهؤلاء دون أولئك أما تسمية شرك القبور شركا بدائيا أو بسيطا أو ساذجا فهذه مكيدة شيطانية يريد الشيطان أن يلهي بها من يتسمون بالدعاة عن الشرك الأكبر الذي اكتسح العالم الإسلامي أجمع وعم جميع البلدان إلا من رحم ربك Écoutez maintenant, frère, on Allah Azza wa Jal, comment Cheikh, rahimahullah ta'ala, il va anéantir cette énorme choubha. Il dit qu'on te fait de blâmer l'alcool, de l'interdire, d'interdire l'adultère, le libertinage, et de montrer le mal qu'il y a dans tout ça, ceci est bien. Mais s'il était basé sur le monothéisme, et ceci doit venir après avoir montré le mal qu'il y a dans l'associationnisme, car celui qui meurt associateur va être éternellement au feu de l'enfer. Et celui qui meurt avec le monothéisme, en ayant commis un péché capital, il est sur le vouloir d'Allah Azza wa Jal. Et même s'il va en enfer, il n'y sera pas éternellement. Et il dit, cher, et quant à l'association d'une politique, il leur dit, la da'wa, au fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, sans lui faire d'associé, et il est complète. Rentre dedans aussi l'associationnisme politique et l'association de l'adoration. Tout est dedans. Le fait d'appeler vers le fait d'adorer Allah Azza wa Jal et de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et de ne pas lui commettre d'associés, ben dedans aussi il y a le fait de blâmer l'associationnisme politique. Et il dit aussi, Hafidhahullah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers à leur peuple. Il a ordonné à aucun d'eux d'interdire l'associationnisme politique et de délaisser l'associationnisme de l'adoration. Parce que cela, ils s'orientent soi-disant vers l'associationnisme politique et ils laissent l'associationnisme de l'adoration. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses messagers d'appeler leur peuple à réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et de délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal et de délaisser toute forme d'associationnisme. Kadhalik a aussi le shir leur dit, pour anéantir leur shubha, a dit, dont chaque peuple a été envoyé un messager, ces peuples-là, ils avaient du devin, et ils avaient des nobles vers lesquels ils revenaient pour les sentences, et vers lesquels ils se tournaient pour qu'ils jugent entre eux avec des lois qui ne sont pas les lois d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait particulier, hein, d'appeler ceux-là sans les autres. Mais le message et la da'wah étaient pour tout le monde. Hein, que tout le monde doit réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Que ce soit leur devin, ou que ce soit les peuples, la même chose, tout le monde doit réserver le culte à Allah Azza wa Jal. Il n'a pas fait particulier, il n'a pas envoyé les messagers tout simplement, particulièrement à faire da'wah aux devins et à ceux qui jugent sans les lois d'Allah Azza wa Jal. Et il dit, quand ils appellent l'associationnisme des tombes, que c'est un associationnisme primitif, un associationnisme simple, naïf, il a dit ça, c'est une manigance d'Yal Shaitan, c'est une ruse d'Yal Shaitan, qui veut détourner ce qu'on appelle du'at, du grand associationnisme, qui s'est propagé dans le monde musulman. Sauf les pays où Allah subhanahu wa ta'ala a préservé de cette gangrène qui est l'associationnisme. Ils sont peu nombreux. Quand tu regardes autour de la planète, combien de tombes sont vénérées, hein? Combien de tombes autour duquel on tourne? Où les gens font des tawafs? Où les gens croient que ça, en faisant ces tawafs, s'ils n'ont pas les moyens, ils ont fait le pèlerinage du pauvre. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salama wa l'afia. Et au moins ils appellent ça, cet associationnisme, l'associationnisme naïf, l'associationnisme simple, l'associationnisme primitif. Tout ça, c'est des orientations d'Al Shaitan pour détourner ceux qui s'appellent du'at, du grand associationnisme. Rabi'an yaqulu al-shaykh, bal tajawazu dhalika ila burdi, man da'a ila at-tawhid wa haddala min ash-shirk wa bayyana khatarah wa al-ishmi'zaz minhu wa iskatahu aw at-tanfir anhu za'imin anna dhalika laysa min al-hikma wa ka'anna shuyukhahum alladhina sannu lahum dhalika 'arafu bil-hikmati min Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, il dit, ils ont même dépassé ça, ils sont allés jusqu'à détester celui qui appelle vers le monothéisme et qui avertit contre l'association. Il montre aux gens comme quoi, et qui montre le danger de l'associationnisme. Et ils sont allés jusqu'à les faire taire, et à détourner les gens d'eux, et surtout les jeunes, prétendant que celui-ci, ça fait pas partie de la hikma. Comme si leur shuyur, la voix qu'ils leur ont instaurée, connaissent mieux la hikma qu'Allah et son messager, alayhi salam. Et combien nous avons entendu de jeunes, mais universitaires à l'islam, donc, quand il parle à certains jeunes qui fréquentaient notre Moussalla à Camus, il dit, ah, vous allez là-bas, tawhid, tawhid, tout le temps. Alhamdulillah, on s'occupe de tawhid tout le temps. Qu'on meurt sur ce tawhid. Hein? Et que, jusqu'à la fin de notre vie, regardez comment. Pour ne pas croire qu'il n'y a pas que ceux qui sont en Inde, là, ceux qui sont en Égypte, qui agissent comme ça. Même ici, des gens qui se disent rationnels, bac plus 9, bac plus 6, hein. Et regardez leur réaction. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salama wa l'afiyya. Khamisan, tajawazu dhalika ilana fil islami anil muwahhidin wal hukmi bil islami lil mushrikin al wataniyin wala adalla ala dhalika min qawli Jabir Rizq fi muqabalatin lahu nushirat fi majallat al-i'tisam sanat 1401 al-adad عدد محرم صفحة 27 يقول في هذا وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. أعوذ بالله من الخذلان. وهو يتكلم عن إيران الرافدية، إيران الخمينية، الدولة المسلمة الوحيدة، الشعب المسلم الوحيد. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. Cinquièmement, ils ont dépassé les limites en décrétant que les unificateurs ne sont pas musulmans et en attribuant l'islam à des associateurs. Est-ce qu'ils prouvent l'une des têtes d'El Ikhwan Jabir Rizq dans une rencontre avec la revue l'Atisam, le numéro, à la page 27, le numéro de Muharram, au long 1401, il dit, en parlant de Saddam, et Saddam a oublié qu'il va combattre un peuple qui est 4 fois le peuple irakien. Et ce peuple, c'est le seul peuple musulman. Et qui a, et ce peuple s'est révolté contre l'impérialisme et, le sionisme et les croisés. Il parle de qui? Il parle de l'Iran, de Khomeini. Il parle de là, du peuple qui s'est soulevé avec Khomeini. C'est lui le seul peuple musulman sur terre. Voyez un petit peu. Il a enlevé l'islam à toute une communauté de musulmans et il l'a attribué, au pays où on adore les tombes, où on adore la tombe de, le Hussein, Ali, on adore combien? On adore les imams. Et regardez, où est-ce que le parti les raisons de cela? Par Allah, Wallah, ils n'ont pas de raison. Ils l'ont pas. Et comme il a dit, Shqira rahimahullah, est-ce qu'il y a un marché des raisons? Les raisons se vendent pour les acheter à ceux-là. Mais, alhamdulillah, la raison est un bienfait min Allah. Il comble avec qui il veut. Il m'khadoul. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala khadil. كذلك قول التنظيم الدولي للإخوان ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن 20 لتثبيت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية. أعوذ بالله من الخذلان. L'organisation internationale des Ikhwan a dit, en ce qui concerne qu'il allait y avoir la bataille entre Saddam Hussein et l'Irak et l'Iran, il a dit, si la situation concernait tout simplement l'Iran, l'Iran aurait accepté une solution du juste milieu. Mais la situation concerne l'islam et les peuples de l'islam ont tout lieu. Et que ceci est un dépôt, chez le peuple iranien. Est un dépôt dans, le jugement islamique, le seul qui existe dans le monde. C'est-à-dire, il parle que le gouvernement iranien de Khomeini était le seul gouvernement musulman sur terre. Il dit ce gouvernement qui s'est imposé par le sang de son peuple au XXe siècle pour que la parole, pour que les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala prennent le dessus sur les sentences et les lois créées par l'homme et sur les sentences du colonialisme et du sionisme international. A'oudou billah. Quelle loi d'Allah? Quelle loi de l'islam dans l'état de Khomeini? Lesquelles y'a khal islam? Pourquoi vous rêvez? Pourquoi vous dites n'importe quoi? Pourquoi vous avez vendu vos rêves? Pourquoi? Pourquoi tu sais, frère en Allah? C'est parce qu'eux aussi, ils rêvent d'avoir un état. Même s'il faut faire couler le sang de la communauté. Ils rêvent du kursi, d'être sur une chaise et de gouverner. Voilà. Et donc, ils te montrent ce modèle-là pour faire de même pour les suivre dans leur délire. Et massacrer la communauté pour que eux, ils puissent assouvir leur désir de gouverner et d'être assis sur un trône. C'est tout. Ils le font pas pour l'islam, loin de là. Parce que s'il le faisait pour l'islam, ben la da'wa va commencer par le monothéisme. Que ça coûte ce que ça coûte. Propager le monothéisme, défendre la sunna de Mohammed alayhi sallam. Là, huma, négliger le monothéisme, négliger la sunna de Mohammed alayhi sallam. D'abord un état. Ça te prouve que le but c'est quoi? Le pouvoir. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى فالقارئ يرى أن الإخوان قد قرروا بكتابهم الذين هم ألسنتهم الناطقة وتنظيمهم أن الشعب الإيراني هو الشعب المسلم الوحيد متجاهلين جميع المسلمين في الأرض وعلى رأسهم الدولة السعودية التي قامت من أول يومها على التوحيد وما زالت عليه ولله الحمد والمنة فهي التي يدرس فيها التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها وليس فيها أضرحة ولا قبور يرتادها الجهال وشعبها كله شعب مسلم والحمد لله علما بأن سائر الشعوب الإسلامية ما من شعب وإن كان قادته يحكمون بالقانون وعامته وعامته يعبدون القبور إلا وفيه مسلمون حقا يوحدون الله ويحكمون شرع ويحكمون شرعه في أنفسهم ومن تحت أي ومن تحت أيديهم على حسب الاستطاعة على حسب الاستطاعة فنفي الإسلام عن جميع المسلمين والحكم به لإيران وحده مع ما في مذهبها من البعد عن الإسلام جهل من أقبح الجهل وظلم من أعظم الظلم نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. Et Cheikh de nous dire, rahimahullah ta'ala, celui qui lit, hein, il voit que l'Ikhwan ont confirmé leurs écrivains, qui sont la langue du groupe, c'est que ce sont eux qui parlent au nom du groupe, les porte-parole du groupe, hein, disent que l'organisation du peuple iranien, c'est le seul peuple musulman sur terre. En ignorant tout, en faisant abstraction de tous les musulmans de la planète. Et à leur tête, l'Arabie Saoudite, qui est un état accompli jusqu'à nos jours sur le monothéisme. Et il est encore sur le monothéisme, il a louange, revient à Allah, Azza wa Jal. Et dans cet état, on enseigne le monothéisme depuis hein, la maternelle jusqu'à la dernière année de la des universités. Et il n'y a pas une tombe qui s'adore en dehors de Allah, Azza wa Jal, dans ce pays. Il n'y a pas une tombe vers laquelle vont les ignorants. Et tout le peuple, et tout le peuple saoudien, est un peuple musulman. Et à Allah appartient toute la louange. En sachant que les autres peuples musulmans, hein, dans tous ces peuples-là, même si, hein, les gouverneurs gouvernent avec autre que la loi d'Allah, Azzawajal, et que le commun adore les tombes, il y a des musulmans véridiques dans ces pays qui unifient Allah, Azzawajal, et qui applique la charia d'Allah Azzawajal sur eux-mêmes et sur ceux qui sont sous leur tutelle, selon leur capacité. Le fait de nier l'islam de tous les musulmans et de décréter que le seul pays qui est musulman c'est l'Iran, alors que la voie d'Yal l'Iran, il est très loin de l'islam. Le madhab d'Yal l'Iran, d'Yal Rafida, il est très loin de l'islam. Cela prouve la grande ignorance, et cette ignorance blâmable, et cette ignorance composée, et cette injustice. Il n'y a pas plus injustice que d'avoir décrété ceci, que le seul pays de l'islam, et le seul pays qui a accompli, c'est l'Iran. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salama wa l'afir. Où sont ceux-là? Où sont leurs raisons? Allahul musta'an, Allahul musta'an, Allahul musta'an. سادسا يقول الشيخ رحمه الله ضعف الولاء والبراء في المنهجين وقد سبق الاستدلال على ذلك. Sixièmement, il dit la faiblesse de la règle de l'alliance et du désavou dans les deux voies, dans la voie d'Yel Tbligh et dans la voie d'Yel Lkhokho. Et les preuves sont passées. Sabi'an, يقول رحمه الله أن المؤسسين في المنهجين قد تربوا في أحضان الصوفية وإن كان مؤسس التبليغ أعظم إيغالا في الصوفية وتأطرا بها. Septièmement, les deux fondateurs des deux groupes, que ce soit Tbligh ou l'Ikhwan, sont tous éduqués, ils ont grandi dans les jurons d'Yal Sofia. Mais le fondateur d'Yal Tbligh, il est plus ancré dedans et plus atteint par le sophisme que celui de l'Ikhwan Muflisoun. Mais tous les deux ont pris leur biberon chez les Sofis. Taminan, اتخاذهم لهؤلاء المؤسسين مشرعين يتحاكمون إلى أقوالهم ويترسمونها ويأمونها ويتخذونها نبراسا يعودون إليها عند التشاجر فيقولون قال الإمام كذا في كتاب كذا. Huitièmement, c'est qu'ils ont pris les fondateurs de leur groupe comme des législateurs vers lesquels ils reviennent quand ils ont un litige. Chaque fois qu'ils ont un problème, chaque fois qu'ils veulent décréter quelque chose ou faire quelque chose, ils reviennent vers les orientations. Et quand ils ont un problème entre eux, ils reviennent vers les paroles de l'imam. L'imam a dit dans tel livre, l'imam a dit ceci, l'imam a dit cela. Comme si c'est une révélation min Allah Azza wa Jal. Nas'alullah as-salama wa al-afiyya. تاسعاً سنوا لهم بدعاً فأخذوها ورسموا لهم خطة فاتبعوها وزعموا أنها هي الضمان لمصلحة دون غيرها. Ils leur ont innové des innovations. Ils leur ont tracé un chemin et ils l'ont suivi. Et ils ont prétendu que ce chemin, c'est le garanti de l'intérêt. Il y a que l'intérêt et le bien n'est que dans ce chemin-là. عاشرا سنوا لهم البيعة فأخذوا بها وإن كان في ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء السلف من ذلك الزمن إلى زماننا هذا لا نعلم أن داعية قد قام بدعوة إلى الله فأخذ البيعة من الناس عليها إلا إذا كان يريد بدعوته ملكا. Dixièmement, ils leur ont légiféré, ils leur ont fait la sunna de l'allégeance. Ils ont pris l'allégeance sur leurs disciples. Et ceci est en divergence avec la guide de Mohammed al-Islam et de ses nobles compagnons et de la voix d'Yel Salaf al-Dwallan en tout lieu et en tout temps. Et on ne connaît pas un da'i, hein, sur la voie du plaisir de Allah al-Alim qui a pris l'allégeance sur des gens. Sauf si il veut par da'wa arriver à un pouvoir. الحادي عشر أنهم سنوا لهم الإمارة في الحضر فأخذوا بها وإن كانت مخالفة لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن سار على هديه من سلف الأمة وإلى يومنا هذا وغرروا بهذا على الأحداث وأعطاهم مناصب وهمية فظنوا أنهم قد حازوا من العلم ما يكفي فكانوا مثل عتاب بن أسيد ومحمد بن القاسم رحمهم الله تعالى. Onzièmement, et ceci est très dangereux, c'est qu'ils ont légiféré à leurs disciples l'imara, le fait d'étribir, mais en étant dans le hadar, en étant dans la résidence. Et ceci est contraire à la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et à ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection parmi les plusieurs d'Allah alayhi de cette communauté jusqu'à nos jours. Et ainsi, ils ont induit en erreur les nouveaux. Ils leur ont donné des postes, mais des postes d'illusion. L'émir du quartier, l'émir de la section, naqib, la section, le commandant de la section, et ainsi de suite. 10 titres. Mais 10 titres, c'est de l'illusion. Mais tout simplement pour les gonfler, pour leur faire croire qu'ils sont dans une situation, dans une organisation, dans un truc, et qu'ils sont, hein, et tous, ils s'acharnent à gravir les échelons. Et ils croient qu'ainsi, quand ils ont le titre, ils ont la science. Hein, et qu'ils sont devenus comme Itab ibn Usayd ou Muhammad ibn Qasim rahmatullah alayhim. Eh oui, frère en Allah Azza wa Jal, le fait d'adhérer, d'être dans ces groupes-là, on arrive à avoir de l'audace, en plus se sentir. الثاني عشر سنوا لهم الخروج للدعوة فيما زعموا وإن اختلفت صفته من منهج إلى منهج وما عرفنا عن السلف أنهم كانوا يخرجون إلا للغزو وما كانوا يجلسون لإلقاء الدروس وتعليم القرآن والسنن وتعلمها إلا في المساجد. Deuxièmement, ils leur ont fait la sunna du khuruj, le fait de sortir pour da'wa, prétend-il, même si la façon de sortir des Ikhwan et d'établir est différente. Hadouk, ils voient le fait de sortir contre les gouverneurs et hadouk, ils voient, hein, sortir soi-disant pour faire dawa. Et cher de nous dire, et on ne connaît pas chez nous plusieurs d'Allah Alim qu'ils sortaient, sauf pour le combat sur le sentier de l'Azza wa Jal. Mais ils restaient dans les mosquées, ils donnaient des leçons dans les mosquées, ils enseignaient la sunna dans les mosquées, ils faisaient tout dans les mosquées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Al-Talitata Achar. سنوا لهم التقية زاعمين في ذلك أنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته السرية والجواب أن الدعوة السرية قد نسخت بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وعرض عن المشركين. Aussi, 13e, mon frère en Allah Azza wa Jal, ils leur ont légiféré le mensonge. Prétendent-ils que, comme ça, ils prennent comme modèle le prophète alayhi salatu wasalam dans la da'wa en secret. Mais la réalité, c'est que la da'wa en secret, qui doit se faire en secret, a été abrogé avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal qui a dit, et dit clair, ce qui t'a été ordonné. Déclare clairement ce qui t'a été ordonné et détourne-toi des associateurs. Établir, ils font ces taqiyya, mais avec des insinuations. Il faut connaître hein, le mécanisme d'y établir pour comprendre au moment où ils font taqiyya. Hein. Parce qu'il y a des choses, hein, ils jonglent, ils ne disent pas, ils ne vont pas directement au but parce qu'il y a un novice qui est en face. Et que c'est un langage entre le Qudama, entre les anciens. Et il y a, et ils jouent. Et des fois, ils déguisent les situations. Ils ont une forme d'yaltaqiyya. Rabi'a achar, anna kullan min al manhajain qad hasara l'islam fil usul lati alzama biha atba'ahu. Fal manhaj al ikhwani matalan hasara l'islam fil usul l'ashrin au ja'ala laha mizatan ala ghayriha. Wal manhaj tablighi qad alzama atba'ahu bil usul sita au ja'ala laha l'inayata duna ghayriha wa hada ma anzalallahu bihi min sultan. Le quatorzième point du Cheikh Hafidhahullah, rahimahullah ta'ala, les deux manhaj, ont arrêté l'islam dont les fondements confondaient les fondateurs de ces groupes. Et ils ont fait obligatoire pour leurs disciples de suivre ces fondements. Que ce soit la voie d'Il-Ikhwan, la voie d'Il-Ikhwan, ils ont arrêté leurs disciples sur 40 fondements, 20 fondements. Et que ces fondements prennent le dessus sur tout. Tablir, ils ont arrêté leurs disciples sur 6 sifat. Les six fondements. Ils leur ont donné l'importance plus qu'autre autre chose. Et tout ceci, il n'y a aucune preuve là-dessus. Al-Khamisa Achar, Anna kullan min al-manhajain, yu'nawna bil-fadail, wa yuzahiduna wa yuzahiduna fil-aqaid, wa ta'allumiha, wa ta'allumis sunna, wa yufadiluna al-ibadata wa al-da'wata, wa in kanat ala jahlin, wa bida'in. على الفقه في الدين سواء كان هو الفقه العقائدي المبني على الكتاب والسنة أو الفقه الفروعي المأخوذ منهما فكم غروا من جهال وأطفال عن أنفسهم وعن طلب العلم الذي ينفع بما أعطاهم من إمارة ورتب وهمية لكي يقودوا جهالا مثلهم إلى الدينونة بذلك المنهج الخاطئ ويغروهم كما غروا ويظن الجميع بأنفسهم أنهم علماء وأنهم ويكونون كلهم ضحية لتلك المناهج الخاطئة وفيما ذكر كفاية به على ما وراءه. Il dit, حفظه الله تعالى, et c'est le 15e point, c'est que les deux voies s'occupent des vertus et éloignent les gens de la science, éloignent les gens du fait d'apprendre l'aqida et d'apprendre la sunna, et ils préfèrent les adorations et da'wa avec ignorance. Et même si c'est dans l'innovation et dans les neurones, ils préfèrent tout ça au fait d'apprendre la religion, au fait d'apprendre le fiqh, au fait d'apprendre l'aqida, au fait d'apprendre le fiqh et l'aqida du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète, selon la compréhension d'une puissance d'Allah alayhim. Hein? Combien ils ont induit en erreur parmi les jeunes, et ils les ont induits en erreur, et ils les ont détournés de la demande de la science, qui va leur être bénéfique. Comment ils les ont détournés? Ils les ont gonflés. Ils leur ont donné une responsabilité. Émir du quartier, émir de la mosquée, émir de ceci. Hein? Ils leur ont donné des postes, des illusions de postes. Une illusion. Pour qu'ils soient au devant et pour qu'ils guident des ignorants comme eux. Pour les guider vers quoi? Vers le fait de se soumettre au manhaj et au fondement du groupe. Et pour les détourner. Comme on les a détournés eux, et que tout le monde croit en lui-même qu'il est un da'i, qu'il est un savant, et qu'il devient une victime de ces faux manhaj et de ces fausses voies. Et il cherche de le dire, dans ce qui a été suffit, dans ce qui a été cité, c'est suffisant pour ce que vous voyez. Hein? Wa akhiran yaqulu al-shaykh, فإني أدعو القراء الكرام ممن انخدعوا بتلك المناهج المبتدعة سواء كانوا من إخواننا طلاب العلم في المملكة الذين درسوا التوحيد منذ نعومة أظفارهم إلى آخر سنة في الجامعة أو من غيرهم أدعوهم إلى قراءة الملاحظات التي حوى هذا الكتاب ولاحظها عليهم أهل العلم وما كان لفيها إلا مزية الجمع والترتيب فقط. Et enfin, Cheikh de nous dire, j'appelle, j'invite le noble lecteur qui s'est fait avoir par ses voix innover, que ce soit des lecteurs qui sont parmi nos frères du monde de science, que ce soit en Arabie, ceux qui ont étudié le monothéisme depuis leur bas âge jusqu'à la dernière année de l'université, ou les autres, c'est-à-dire qui sont ailleurs, je les invite tous à lire ces observations que contient ce livre. Et que ont aimé vis-à-vis de ces groupes les hommes de science. Et il dit, moi, c'est-à-dire Cheikh Najmi, je n'ai rien dedans. Que quoi? Que d'avoir réuni tout ça, de l'avoir organisé et de l'avoir présenté comme il a été présenté. يقول حفظه الله تعالى أدعوهم إلى قراءتها متجردين عن الحزبية والعصبية وأن ينظروا إليها بعين الحق والعدل لا بعين البغض لكاتبها لكونه نقد الحزب الذي ينتمي إليه هذا القارئ فلعل الناقد كان مشفقا عليكم وعلى أمثالكم أن تعيشوا وتموتوا على باطل. Il dit, j'appelle, je les appelle à le lire tout en étant dépouillé du sectarisme et du partisme. Et qu'ils regardent à ces critiques avec l'œil de la vérité et l'œil de la justice, et non pas avec le fait de, qu'ils détestent déjà auparavant celui qui les a écrits parce qu'il a critiqué leur groupe. Il a critiqué le groupe auquel ils appartiennent. Peut-être que celui qui a aimé la critique, il a pitié pour vous et il a pitié pour ceux qui sont comme vous. Que vous ne viviez pas sur ces voies-là et que vous ne mourriez pas sur le faux et sur l'égarement. يقول رحمه الله وليعلموا أنه لا ينفع عند الله ولا ينجي من عذابه إلا متابعة نبي الهدى الذي أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الكافرين والمعاندين محمد بن عبد الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. Il dit, il faut savoir que rien ne va être bénéfique à la personne chez Allah Azza wa Jal, rien ne va le sauver du châtiment d'Allah Azza wa Jal que le fait de suivre le prophète de la guider, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé clémence pour les mondes et preuve contre les mécréants et contre les entités qui est Muhammad ibn Abdillah, l'homme de confiance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ses prières et qu'il couvre aussi de ses prières tous les prophètes alayhi salatu wassalam et tous les messagers. Et il dit, رحمه الله تعالى, وأن كل خلة وقرابة وصداقة وصلة منقطعة يوم القيامة وذاهبة وغير مفيدة إلا ما قدمه العبد من عمل مطيعا فيه لله سبحانه وتعالى متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كل قريب وصديق وخليل سيتخلى عنك في ذلك الموقف العصيب. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. نويدي رحمه الله تعالى toute intimité, toute liaison va être coupé le jour de la résurrection. Il te sera pas bénéfique, sauf ce que tu as mis en avant, serviteur d'Allah, Azza wa Jal, comme acte, comme bonne œuvre, dans laquelle tu as été obéissant à Allah, et dans le suivi de Muhammad alayhi salatu wasalam. Tout proche, tout ami intime, va te laisser le jour de la résurrection. Au moment où on est devant Allah, Azza wa Jal, et il nous ramène ce verset, dit, où vous, où gens, préservez les droits d'Allah, Azza wa Jal, et craignez un jour, où personne ne pourra rien pour personne. Ni le père pour son fils, ni le fils pour son père. Personne ne pourra rien. Et la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est véridique. Et ne vous faites pas avoir par ce bas monde. Et ne vous faites pas avoir par ce bas monde. Et il est dit dans l'autre verset, chaque âme va venir pour, se défendre elle-même. Et chacun va se défendre lui-même, va essayer de défendre sa personne. Et chaque âme aura sa récompense par rapport à ce qu'il aura fait. Wa yaqulu rahimahullahu ta'ala iqra'u هذه الملاحظات لتكونوا على بينة من أمركم ولا يغرنكم من يقول إن هذا تجنن على هذه المناهج ومبالغة في النقد بدون حق. راجعوا الفقرات المنقوذة في الكتب التي أخذت منها إن شككتم واسألوا الله أن يهديكم إلى الحق ويثبتكم عليه فهو لا يرد من طرق بابه صديقا. Il dit, حفظه الله تعالى, lisez ces critiques pour que vous soyez dans une clarté de votre situation, que vous vous fassiez, et ne vous faites pas avoir par quelqu'un qui vous dit, ouais, mais ces critiques, c'est une injustice vis-à-vis de ces voix, c'est exagéré, ce sont des critiques qui ne sont pas véridiques. Et Cheikh de nous dire, revenez à ces paragraphes dans lesquels il y a les critiques. Et revenez dans les livres duquel ont été pris ces critiques, si vous avez un doute, et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous guide vers la vérité et qu'il vous confirme sur la vérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne rejette pas tout un chacun qui vient frapper à sa porte véridiquement. ويقول الشيخ رحمة الله عليه ونؤمن على دعائه اللهم إن هذا جهد مقل فتقبله مني فأنت تعلم أني دافعت به عن التوحيد والسنة التي هي عقيدة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين وانفعني به يوم الفاقة والحاجة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم il dit رحمة الله تعالى oh Allah ça c'est l'effort de quelqu'un de quelqu'un qui est faible, c'est un petit effort, accepte-le de moi, tu sais, oh Allah, je l'ai fait pour défendre le monothéisme, pour défendre la sunna, pour défendre l'aqida d'il salaf, qui sont les compagnons, ceux qui les suivent à la perfection, et les imams bien guidés, oh Allah, subhanahu wa ta'ala, fais en sorte qu'il soit bénéfique pour moi, le jour de la résurrection, le jour où aucun sot ne servira, où les enfants ne vont pas servir, tout ce qui va servir, c'est quelqu'un qui est venu avec un cœur soumis à Allah, azzawajal. Wa yaqulu rahimahullahu ta'ala, اللهم ما كان فيه من حق وصواب فهو منك لأنه تم بعونك وتوفيقك وتسديدك وما كان فيه من خطأ وباطل فهو مني والله ورسوله بريئان من ذلك il dit رحمه الله تعالى والله toute la vérité qu'il y a dedans il vient de toi car c'est toi qui m'a aidé et qui m'a accompli à le faire et toute erreur qu'il y a dedans et tout faux qu'il y a dedans il est de moi et Allah et son messager sont innocents du mal et de l'erreur qu'il y a dedans رحم الله الشيخ رحمة واسعة que Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse que ces traductions ne soient bénéfiques et dont la traduction on a réuni avec la traduction du livre d'Yel Sheikh rahmatullahi alayh les commentaires d'Yel Sheikh Abu Malik et certains trucs que nous avons pris par-ci et par-là que Allah subhanahu wa ta'ala agrée de nous tous et aussi pour ce qui concerne Jama'at Tabligh toutes les critiques qui ne sont pas dans les livres d'Yel Sheikh Hafidhahullah Rahimahullah Ta'ala ont été pris soit des paroles d'Yel Taqid Sheikh Taqid d'Il Hilal Rahmatullah Alayh soit de certains savants d'Inde soit aussi du livre une grande majorité du livre d'Yel Sheikh Twijri Rahimahullah Ta'ala et aussi du livre d'un des élèves d'Yel Sheikh Nasr Rahmatullah Alayh les groupes islamiques hein Et donc, on a fait sur Jama'at Tabligh et sur les autres aussi, on a fait un petit peu un cocktail pour essayer d'avoir une vision générale sur tous ces groupes. Qu'Allah, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, que tout ceci a été fait sincèrement pour Allah, Azza wa Jal, et pour montrer la vérité, rien que la vérité, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول الشيخ وكان الانتهاء من هذا الصفر المبارك في يوم الخميس 14 تسعود 1414 حرر ما فيه أحمد بن يحيى النجمي أسكنه الله فسيح جناته الشيخ دو سيني à la fin il dit j'ai terminé ce livre béni من الله le jour du jeudi le 14 du 9e mois de l'an 1414 de l'Hégire et il a signé Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala et nous avons terminé ce livre en cette fin du mois de Ramadan de l'an 1430 inshallah Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous